J'ai connu des femmes canavées qui étaient très belles néanmoins. Ça ne change rien, oui, vous voyez, il n'y a pas de chance. Jean-Michel en même temps. Voilà, je ne pense pas que vous puissiez vous en sortir comme ça. Alors, dites-moi, on m'a parlé d'une certaine mascotte, de quoi s'agit-il ? Ah, vous êtes au courant, oui. Ça me fait plaisir de vous en parler. Eh bien, écoutez, ce matin, nous allons faire financer, mais à coût de 1 euro ou 2 euros, un chien d'aveugle pour mettre en avant que le chien est le meilleur ami de l'homme, parce que les non-voyants en ont besoin. Donc, ça sera la mascotte de l'émission et on va le faire financer sa formation. On aura des photos de lui régulièrement. Ça sera le chien de l'émission. C'est super sympa, bravo. Voilà. Voilà. Bah, vous écoutez avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne émission. Allez, c'est parti. Nous allons maintenant déjà commencer par régler vos problèmes avec l'émission du jour. Et nous allons attaquer par Christian. Je vous appelle de la Côte d'Or. Je gère une entreprise. Pour renouveler mon parc de véhicules, j'ai payé un fourgon neuf 18 670 euros. Je suis reparti avec la facture, mais pas avec le véhicule. Et maintenant, on me dit que mon fourgon aurait été récupéré manu militari par le constructeur. Sans déflorer le sujet, Maître Fellono, c'est un gros dossier de voiture que l'on n'a encore jamais traité dans l'émission. Oui, parce que quand une faillite se mêle de tout ça, ça fausse les jeux habituels. Vous allez voir ça dans quelques instants. Nous aurons également le cas de Nelly. Je vous appelle de l'Isère. Ma mère est âgée de 83 ans. Elle a mis toutes ses économies dans l'achat d'un appartement. Elle a versé 150 000 euros. Le chantier devait s'achever en décembre 2017. Et aujourd'hui, elle n'a toujours pas son appartement. Et nous partirons sur le cas de Marie également, écoutez. Je vous appelle du Vaucluse. J'ai versé 5 850 euros d'acompte pour la réfection complète de ma toiture. Les travaux devaient être réalisés courant mai. L'artisan n'est jamais revenu. Et pour bien sûr régler tous ces problèmes, la Dream Team est là. Maître Fellono, vous l'avez entendu. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. C'est Hervé Pouchol qui négocie aujourd'hui. Bonjour Hervé. Bonjour. Toutes les équipes sont là. Il y a Charlotte, bonjour. Il y a Céline, JB, toutes les équipes d'Alain Hazard. C'est Xavier Kassovitch qui réalise cette émission. Vous écoutez le 9h30, 11h d'RTL. Pour nous joindre en direct, le 3210. 50 centimes d'euros la minute. Gratuit, le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Gratuit, RTL.fr. Si tu te fais arnaquer, pas la peine de paniquer. Faut appeler Julien Courbet. Donc, je vous en dis plus tout à l'heure sur cette opération qu'on va lancer parce qu'on aime les animaux. Et quand on voit un chien qui se consacre entièrement à son maître non-voyant, on ne peut que plus les animer. C'est une façon symbolique de dire respectons les animaux parce qu'ils donnent tout pour nous. On va financer, on va se faire financer tous ensemble en donnant 1 euro, 2 euros, peu importe, un chien de non-voyant, un chien d'aveugle. Je vous en dirai plus. On lancera le top départ tout à l'heure. Alors, il s'appelle d'ores et déjà, je peux vous donner son nom, Napo. Et je crois qu'il y a d'ores et déjà sa photo sur la cagnotte Litchi dont je vous donnerai le nom tout à l'heure. Également sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Laissez-moi accueillir maintenant Christian. Christian, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour à tous, à votre équipe. Oui, bonjour Christian. Quelques renseignements vous concernant. Vous pouvez me donner votre ville, s'il vous plaît, de naissance ? Ma ville de naissance, Boum-les-Dames. Et celle où vous habitez actuellement ? Je suis sur Dijon, en fait. Marié ? Oui. Prénom de l'épouse ? Ghislaine. Alors, on y va, monsieur. Je prends votre déposition. Expliquez aux auditeurs d'RTL le but de votre appel. Eh bien, c'est relativement simple. J'ai, dans le cadre de mon activité professionnelle, j'ai commandé un fourgon que j'ai réceptionné au cours du mois de juillet. Là, donc, on m'a dit qu'il n'y avait plus qu'à l'immatriculer. On m'a fourni la facture. J'ai donc fait le règlement par chèque, puisqu'en plus, j'étais en toute confiance, c'était le quatrième véhicule que j'achetais. Donc, j'ai même assuré ce véhicule. Et j'ai reçu quelques temps plus tard un mail m'indiquant que le constructeur avait récupéré tous les véhicules présents dans le hall et le mien en faisait partie. Si j'ai bien compris, Christian, vous allez chez un professionnel acheter un véhicule. Ce professionnel a des difficultés, vous ne le savez pas au moment où vous achetez chez lui, d'autant plus que vous avez déjà acheté plusieurs véhicules là-bas. Vous attendez la livraison de votre véhicule et comme le fabricant automobile n'a pas été payé, il vient... Alors là, je schématise, Maître Fellono va nous en dire plus. Il récupère évidemment tous les véhicules, dont le vôtre. Donc vous avez payé intégralement votre véhicule et vous ne l'avez plus. Et vous êtes dans une partie de ping-pong, je suppose, entre le fabricant qui dit « moi, je n'ai pas été payé par le garagiste » et lui qui a payé intégralement le garagiste. Eh bien, exactement. Quand on est là-dedans, je peux vous dire, et je le dis avec mes mots, Christian, on l'a jusqu'au cou. Parce que pour se sortir de là, Maître Filono, comment va-t-on faire ? Alors, d'abord, on suppose que le garagiste n'a pas payé les véhicules. Parce que lui, ce garagiste, dans ses explications, été beaucoup plus prudent. Il dit « la confidentialité m'empêche de vous dire, mais le constructeur a repris tous les véhicules ». Donc ça, d'abord, on n'en est pas totalement sûr. Et on a deux actions. On a un nouveau partenaire dans cette affaire, c'est le mandataire liquidateur qui, lui, effectivement, peut-être forcer la livraison de ce véhicule. Et puis, on a évidemment le garagiste pour savoir ce qu'il lui a pris de faire des choses comme ça. Et le constructeur, parce que le constructeur, il est venu, s'il a repris le véhicule de notre auditeur, il est venu récupérer un véhicule qui ne lui appartenait pas puisqu'il était vendu avec un châssis, une facture individualisée. Et donc, c'est quasiment du vol. Premier appel, tout de suite, celui qui a vendu. Nous attaquerons le constructeur ensuite. Il y aura aussi le mandataire, mais vous rendez compte un peu, il rentre comme ça chez un professionnel. Pour lui, tout va bien, une vente classique et se retrouver aujourd'hui Bonjour. Sans véhicule. Bonjour, je suis chez Terre Franche Auto. Oui. Bonjour madame, je suis Julien Courbet, c'est la radio RTL, nous sommes en direct. Je vous appelle concernant le véhicule de Christian Leb, qu'il ne peut pas récupérer car apparemment Ford est venu tous les prendre dans le hall alors qu'il avait payé intégralement le sien. Puis-je avoir quelqu'un, s'il vous plaît ? Christian Leb. Oui, monsieur Christian Leb. Je peux vous donner son numéro de série, tout ce qu'il a acheté. C'est un Ford Transit Custom Fourgon. C'est au nom de sa société, les Ancas Bourguignons. Les Ancas Bourguignons, oui, c'est une voiture de société. Alors attendez, je vais chercher son dossier. Merci beaucoup. Donc cette dame, j'ai pas entendu, va aller chercher quelqu'un. D'accord. Hervé, vous récupérez. Je rappelle le principe de l'émission. Hervé va récupérer ce monsieur et dès qu'il sera sur l'antenne, vous entendrez l'alerte et toutes les négociations ont lieu en direct. Donc on attend Christian pour lancer cette première négo. Ensuite, nous aurons Ford qui nous dira si oui ou non ils sont venus récupérer les voitures parce qu'elles n'ont pas été payées. Un deuxième cas nous attend. C'est celui de Marie. Elle a payé 5 850 € d'acompte pour sa toiture. Ça, c'était en février et depuis, l'artisan n'est jamais venu. Nous sommes heureux d'être avec vous chaque matin entre 9h30 et 11h. Nous sommes là pour régler vos problèmes. Une seule radio s'occupe de ses auditeurs. Et elle s'appelle RTL. Bonne semaine à tous. C'est le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes. Allô patron ? Bon ben... On est dans les choux, c'est ça ? Attends, le chou-fleur, oui. Je suis chez Lidl. Et aujourd'hui et demain, le chou-fleur est à 89 centimes l'unité. Non ! Ah si patron, moins de 90 centimes la pièce. Et origine France en plus, hein. Ah, les chou-fleurs à ce prix-là, patron, on a du souci à se faire. Ça te fait rire. Les soucis, c'est toi qui vas en avoir si tu continues. Pardon, patron, hein, mais là, on est très mal. Hein. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, Origine France. Plus d'informations sur Lidl.fr. Retrouvez les peluches Club des frais à collectionner dans votre supermarché. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Un pare-brise en parfait état, sans aucun impact ni fissure, est la garantie d'un confort de vision optimum. Voir la route dans ses moindres détails vous permet d'anticiper en toute sécurité et surtout, de profiter pleinement des sensations de conduite de votre Peugeot. En ce moment, chez Peugeot, la franchise est remboursée pour le remplacement de votre pare-brise. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Hervé Pouchol, nous sommes sur le cas de Christian. 18 670 € pour un fourgon acheté en juillet et jamais livré. Car apparemment, le constructeur serait venu les reprendre parce que lui-même n'aurait pas été payé. Hervé Pouchol. Vous passez la chef des ventes, qui Super. Est Tiffany Rougeau. Bonjour Madame Rougeau. Oui, bonjour. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL avec Christian Leb qui est un peu embêté, lui qui dirige la société Les Ancas Bourguignons, puisqu'il vous aurait payé 18 600 pour un véhicule qu'il n'a pas, qui serait venu... Alors, qui est venu le prendre, en fait, ce véhicule ? C'est Ford France. Parce que vous ne les aviez pas payés ? Ah non, non, parce qu'ils ont décidé de nous retirer le panneau. Et ils ont décidé d'arriver le 27 août au matin avec trois camions pour récupérer tous leurs véhicules. Alors que ces véhicules ont été payés. Non, non, les véhicules n'étaient pas réglés, mais à l'époque, il y avait un problème de norme qui était la norme WLTP, qui nous empêchait l'immatriculation des véhicules, qui devait, ce problème-là devait être résolu fin août. D'accord. Et fin août, quand on a rouvert la concession, malheureusement, Ford est venu récupérer leurs véhicules. Mais comment vous pouvez les laisser faire, vous, prendre des voitures comme ça chez vous? Écoutez, c'est un petit peu plus complexe que ce que ça en a l'air, hein. On est en procès contre eux, voilà, on est dans une phase de médiation, donc c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet. Alors, juste un mot avec Maître Felloneau. Oui, mais bonjour madame. À l'heure actuelle, vous n'êtes plus capable de livrer ce véhicule. Attention, je ne parle pas de l'équivalent, je parle de celui qui a un numéro de série, le numéro de série qui apparaît sur votre facture, parce que lui, il est propriétaire d'un camion bien précis. Alors, je vais vous arrêter tout de suite, parce que depuis, les éléments ont changé, et M. Leb va recevoir un courrier certainement. Nous sommes maintenant en redressement judiciaire, sa dette est reconnue, nous allons le rembourser, mais pour l'instant effectivement, puisque nous n'étions pas en mesure de répondre sur toutes ces questions, parce qu'il n'y a pas que M. Leb dans ce cas-là, nous avons déclaré la créance de M. Leb auprès du mandataire qui s'occupe de nous. Et vous avez les fonds pour rembourser tous vos créanciers, tous vos clients? Oui. D'accord. Ça va intervenir quand, ça? Pour l'instant, c'est depuis le 9 octobre. Hein, donc d'accord. C'est très récent. Mais nous nous engageons, bien entendu, à le rembourser et à rembourser tous les clients qui sont prioritaires, d'ailleurs. Nous allons quand même, au vu des informations que vous nous donnez, appeler la marque pour qu'ils nous donnent une explication, parce que ça paraît quand même incroyable. Aberrant. Donc, c'est parti. Nous allons les appeler tout de suite pour essayer d'en savoir plus. Je peux vous donner des coordonnées. Avec plaisir. Ah, vous avez des coordonnées précises à nous donner, peut-être d'un contact? Alors, je le prends hors antenne. Merci, madame, parce que ça va nous faire gagner un temps fou. Ça, c'est génial. Charlotte, vous récupérez les contacts de la personne qui, à la marque, s'occupe de ça. Comme ça, nous pourrons l'appeler dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Hervé, vous prendrez le relais. Le deuxième cas va arriver après avoir écouté ce Daft Punk et Pharrell Williams qui avait complètement changé notre vie parce qu'on était habitué à des titres. C'est vrai qu'il n'était pas forcément celui-là sur RTL. Et puis, un jour, ça s'est arrivé et on s'est tous transformés comme ça, en espèce de DJ de discothèque, à se mettre à dire « Bon appétit si vous êtes à table !» Ah oui ?« Legend of the Phoenix » Ah, vous avez entendu, Yves Calvi le faisait. « Our ends with beginnings » Là, Elisabeth Martichoux. Et puis prudent si vous êtes sur la route !« What keeps the planet spinning ?»« Ah, the force of the beginning » Daft Punk, Pharrell Williams sur RTL. Get Lucky. Nous sommes toujours sur le cas de Christian. Plus de 18 000 euros pour un fourgon acheté cet été et le fourgon serait reparti chez le fournisseur. Alors, nous avons appelé le vendeur Terre Franche qui nous a dit effectivement Ford est venu les récupérer sans nous donner trop de détails. Hervé, donc nous avons maintenant le numéro du contact chez Ford. Oui, on en a plusieurs. On commence par le premier. Il s'agit du directeur financier. Allez, voyons si ça sonne. Et ensuite, Maître Filono nous dira un petit peu plus ce qui s'est passé parce que c'était une question de normes, mais bon, pour l'instant, ne rentrons pas là-dedans. Déjà, essayons d'avoir le numéro. On a un nom de ce monsieur ? Oui, il s'agit de François Crocheton. Allez, on y va, c'est parti. Espérons qu'il va répondre, sinon on passera par le standard. Nous sommes donc chez Ford. Ford est venu un jour, d'après ce que nous a dit la dame de la concession, avec un camion. Bonjour, vous êtes sur la messagerie de François Crocheton. Donc, la ligne directe ne marche pas, donc vous essayez de m'avoir par le standard. Hervé, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, éventuellement, on a quelques belles connaissances oui. chez Ford, qui est une très grande marque. On va le faire dans une seconde. Laissons-vous voilà. juste voir si on peut avoir le standard. Et effectivement, vous avez raison, Hervé. Alors, attendez, alerte, que se passe-t-il, Charlotte ? Nous sommes avec la direction juridique. Oui, bonjour, madame. Oui, bonjour. Je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL. J'espère ne pas trop vous déranger. Non, je vous explique le but de mon appel. J'ai un auditeur qui est un client d'une concession qui s'appelle Terre Franche Auto. C'est un franchisé Ford. Il a acheté un véhicule là-bas, il l'a payé, on devait lui livrer. Et un jour, Ford est venu et a récupéré toutes les voitures qui étaient dans cette concession. Alors, Maître Filono, qui est à mes côtés, va vous expliquer, je pense, pourquoi. Alors, il apparaîtrait, d'après ce que nous dit le garage, que vous avez récupéré ces véhicules pour une histoire de normes WLTP applicables au 1er septembre. On a vu que les constructeurs avaient vu leur vente mais exploser avant ce 1er septembre, parce que je suppose que les véhicules sont moins chers. Donc, vous avez d'abord repris des véhicules qui appartenaient à des particuliers. On voudrait avoir des... Alors, ce qu'on veut savoir, c'est que ce monsieur, il a payé sa voiture plein pot, et voilà. Aujourd'hui, on ne lui livre pas parce que c'est vous qui êtes venu la récupérer. Comment peut-on se sortir de là ? Alors écoutez, là vous me prenez un petit peu de cours parce que je ne on va vous pas donner tous les si vous voilà, voulez voilà. Je, voilà, vous propose, vous me donnez tous les éléments. Génial. Et puis voilà, on va se renseigner et puis on revient vers vous. C'est parti. Voilà. Charlotte, vous donnez toutes les coordonnées à cette dame. Oui, tout merci tout madame de votre gentillesse, à tout à l'heure. Je vous en prie monsieur. Allez Hervé, pour ce dossier-là, on attend encore un petit peu pour appeler la grande direction et puis on enchaînera là-dessus tout à l'heure. Nous allons maintenant accueillir sur l'antenne d'RTL dans une seconde Marie. Marie est en ligne avec nous. Oui, bonjour Julien Courbet, bonjour toute l'équipe. Bonjour Marie, qui nous appelle de Marie ? D'Avignon. D'Avignon, alors Marie c'est parti, à l'Avignonnaise, vous me racontez maintenant voilà, donc, votre problème. Voilà, donc fin février j'ai signé un devis de 19 000 euros. Oui. On devait commencer les travaux cette semaine après le métrage, donc le chèque a été retiré le 7 mars. Le métrage a été fait dans la foulée, donc les travaux devaient commencer le 14 mai. Et à ce jour, eh ben, il n'y a toujours personne qui vient. Combien avez-vous payé exactement, vous m'avez dit ? Vous avez payé 5 850. Et là 5 850, j'ai donné d'acompte. Et il était question qu'il vienne à partir de quand ? À partir du 14 mai. Et depuis mai, personne n'est venu une seule fois sur le toit ? Non. Quand vous les appelez, personne que vous disent-ils ? Ah ben on va venir, même il y a des voisins qui sont dans le même cas que moi. C'est incroyable. Et ah. Donc cette personne dit Marie vous attend, mais elle dit oui je vais passer, mais il est passé en courant. C'était du démarchage Est-ce qu'ils ont sonné à votre porte pour vous proposer ça ou c'est vous qui les avez appelés ? Non, c'est moi qui les avais D'accord. appelés. Allez, parce on que s'en occupe. Par le bouche à oreille que ça j'avais marche. Connu cette adresse. Donc vous n'êtes pas la seule, ils ne viennent pas, c'est complètement ridicule de prendre comme ça des contrats au mois de mai et au mois d'octobre, de toujours pas être venu. Je ne comprends pas comment ça fonctionne, mais nous allons en savoir plus grâce à l'appel qui sera lancé. Et puis à partir de 10h, on lance notre grande opération. Un chien d'aveugle que nous allons tous financer simplement 2-3 euros parce que les toutous sont formidables et vous allez voir que celui-là deviendra la mascotte de l'émission. Il est mignon comme tout en plus. Attendez deux secondes, quand je dis il est mignon comme tout, Alain Hazard tout d'un coup s'est passé la main dans les cheveux. Je ne parlais pas du rédacteur en chef mais du chien Alain Hazard, s'il vous plaît. Les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux après 50 ans. Ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie et celle de leurs proches. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Mireille, vous avez 68 ans et votre mari souffre de troubles urinaires. Quelles en sont les conséquences au jour le jour ? Mais je dirais plutôt nuit après nuit parce qu'il est obligé de se lever et ça me gêne autant que lui puisque ça me réveille. Rassurez-vous Mireille, les troubles urinaires de votre mari ne sont pas une fatalité. Ils sont même plus fréquents avec l'âge. En plus de conseils hygiéno-diététiques simples, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, évitez de grignoter. Passez une bonne matinée sur RTL. Dites donc, vous ? Moi, Madame Latsou ? Bah oui, vous ! Vous saviez qu'Akena fabrique aussi des pergolas ? Ah oui ! Et pas n'importe lesquelles, des pergolas bioclimatiques. Pour profiter de votre terrasse, les pergolas Akena, c'est extra ! Et elles sont sur mesure aussi ? Monsieur Akena, on fait ce qu'on veut ! Même avec les pergolas. Je me suis regardé, hein ? Ah oui ? Bah, qu'est-ce qu'il croit, celui-là ? Akena, la reine des vérandas. Leclerc. Chérie, 70% de tickets Leclerc sur les tablettes, lave-vaisselle, finish, tout en un max chez Leclerc. Quelque chose me dit que t'en as pris. À ce compte-là, tu m'étonnes. Du 23 octobre au 3 novembre chez Leclerc, la boîte de 63 tablettes pour lave-vaisselle, finish, tout en un max est à 8,31€, soit 8,07€ le kilo, avec en plus 70% de tickets Leclerc. Produits irritants et dangereux, respectez les précautions d'emploi. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. 70% de tickets Leclerc. Ça fait 5,82€ sur la carte, j'ai calculé. Le Grand Bain. Je me suis inscrit dans une équipe de natation synchronisée. Le meilleur film français de l'année pour RTL. Championnat du monde. Qui est pour ? Un film de Gilles Lelouch avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poulvorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira, Leïla Bekti, Marina Foïs et Philippe Catherine. Qu'est-ce que j'écris là ? Équipe de France. Pourquoi pas les hommes dauphins ? Non. Le Grand Bain, mercredi au cinéma. Avec RTL. Alors, on se la fait, la belle maison du fond. Non mais t'es pas bien toi, t'as pas vu qu'il y a une alarme d'Ethem ? On est sûr de se faire griller. Viens, on se fait celle d'à côté. Jusqu'au 30 novembre, d'Ethem reprend votre ancien système d'alarme et vous offre 50% de remise sur les produits de détection extérieure. Rendez-vous sur www.detem.fr. Offre soumise à condition. So Cook, cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, et je l'ai quand ma cuisine. Chez So Cook, c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur socook.com. Et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est So Simple. So Cook, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Et si on parlait Renault Service ? Bonjour, c'est Monsieur Richard. Une question. Le jour de la révision de votre voiture, comment faites-vous ? Vous allez travailler en fusée interstellaire ? Ou à dos d'âne ? Chez Renault Service, on vous prête un véhicule de remplacement le jour de la révision. C'est quand même plus pratique. Et en plus, vous avez l'assistance incluse pendant un an. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault ? Offre réservée aux particuliers, voire conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Sur le cas numéro 1, nous attendons que ça se décante. Le cas numéro 2 vient d'être lancé. C'est Marie, elle a payé 5 850€ d'acompte pour refaire sa toiture. Les travaux devaient commencer en mai et aujourd'hui, 22 octobre, rien n'est fait. Vous vous rendez compte, vous payez en mai, ils ne viennent pas. En octobre, ils ne sont toujours pas venus une seule fois. C'est quand même un truc de dingue. Vous avez avancé un petit peu, Charlotte, de votre côté, s'il vous plaît. Oui, parce qu'en plus de ne pas avoir réalisé les travaux, la société n'a jamais fourni à Marie le certificat RGE qui lui aurait permis d'obtenir un crédit d'impôt. Cette certification RGE, la société assure pourtant l'avoir. Écoutez. Oui, exactement. Oui, vous êtes qualifiée RGE ? On n'a pas encore les papiers, mais on a la certification RGE. Ok, donc si je contracte avec vous, j'aurai bien mon crédit d'impôt. Oui, il n'y a pas de souci pour ça. C'est également ce qu'elle a dit à deux autres clients, Monique et Anthony, et ça fait des mois qu'elle prétend attendre ce papier. Mais quand on cherche sur l'annuaire national des professionnels RGE, on ne trouve aucune trace de cette société. Marie, si vous me permettez, j'ai envie de vous dire « Oh Marie !» Si tu savais dans quoi tu viens de te fourrer. Parce que là, à mon avis, nous allons trouver du pétrole, Marie. Nous allons appeler tout de suite. C'est parti. En plus, elle n'est pas la seule dans la rue. Ils en ont fait plusieurs. Ils ne sont venus chez personne. On est d'accord, Marie. Ouais. C'est parti. Nous appelons tout de suite. Rénov' Global Concept. Bonjour. Allô, Rénov' Global Concept ? Oui. Bonjour madame, je me présente, je suis Julien Courbet. Nous sommes en direct sur la radio RTL et je suis avec une cliente de Rénov' Global Concept à Nîmes, qui est également une auditrice RTL, qui vous a donné un acompte de 5 850€ pour votre toit pour sa toiture au mois de mai. Au mois de mai. Et donc, si je ne m'abuse, nous sommes le 22 octobre et elle s'étonne que personne ne vienne faire sa toiture. D'accord, oui. Et donc ? Alors, ne quittez pas, je vais vous passer quelqu'un. Merci beaucoup. Mon responsable. C'est très gentil. Donc, nous sommes à Nîmes, je le rappelle, pour qu'il n'y ait pas de confusion avec d'autres Rénov' Global Concept. Celui-ci est donc à Nîmes, rue du Moulin Fédèle. Rénov' Global Concept vous remercie de votre appel. Alors, combien de personnes concernées dans la rue, Marie ? Pardon ? Marie, combien de personnes sont concernées dans votre rue ? Trois. À ma connaissance, trois déjà. Trois qui ont pris, qui ont donné un acompte. Et non seulement ça, c'est pas en mai qu'ils m'ont retiré les sous, ça a été le 7 mars. D'accord. Mais comment ça se fait qu'il y ait quand même, les statistiques sont incroyables, comment ça se fait qu'il y ait trois personnes qui font refaire leur toiture comme ça s'il n'y a pas de démarchage? Le bouche à oreille, hein, vous savez, c'est ce que nous a expliqué Marie. Moi, je les ai appelés parce qu'ils avaient fait un toit, et puis elle a dû parler, et puis voilà. Bon, je pense qu'elle a été chercher le gérant, monsieur Chaumette. Dès que nous avons du nouveau, Charlotte, vous me faites la petite alerte. Je reviens très rapidement sur le cas numéro 1. C'est Christian, plus de 18 000 euros pour un fourgon acheté cet été et jamais livré. De votre côté, Hervé Pouchol, où en êtes-vous avec Ford qui est venu récupérer les véhicules chez le concessionnaire qui lui-même avait déjà vendu à un client auditeur d'RTL la voiture? Alors, j'ai fait parvenir le dossier à la direction juridique de Ford qui travaille sur le dossier en priorité. On espère avoir des nouvelles d'ici 11 heures. Maître Felonneau. Alors, moi, il y a quelque chose que je suis d'aller regarder donc sur internet, puisque le garage nous a dit c'est un problème de normes WLTV qui est applicable au 1er septembre. Vous savez, c'est pour contraindre les constructeurs automobiles à faire des tests plus poussés pour connaître la réalité de la consommation, etc. Comme ces normes étaient applicables au 1er septembre, d'après les articles de presse, les ventes ont explosé avant et les immatriculations ont explosé notamment au mois d'août pour vendre déstocker tous les véhicules. Bon, ce véhicule, il n'était pas aux normes peut-être, mais il a été vendu et il aurait dû être livré avant le 1er septembre. Donc pourquoi le garage n'a pas signé dans la foulée, excusez-moi, n'a pas fait l'immatriculation? C'est marrant que vous posiez cette question parce que c'est celle qu'on pose depuis 9h30. Donc vous venez de comprendre la question qu'on se pose. Elle s'est reportée sur le constructeur, mais ce n'est pas forcément la seule raison. Oui, merci Maître Felonneau. Charlotte. Oui, la personne de la société Rénov Global Concept est revenue à l'antenne. Ah bonjour Madame Reux. Oui, Rénov Global Concept. Oui, c'est ça. Alors, mon supérieur ne veut pas vous prendre, mais je peux savoir quelle radio êtes-vous? Alors, c'est RTL, la première radio de France. C'est Julien Courbet, le 9h30-11h. Nous sommes en direct actuellement et nous essayons d'avoir Édouard Chaumette qui a pris 5 850 euros à Marie. Ils sont même trois dans la rue. Et depuis le mois de mars où il a pris l'argent, ils ne sont même pas venus une seule fois sur le toit. C'est ce que nous dit cette auditrice. Donc nous, on s'inquiète parce qu'on se dit qu'une société qui prend un acompte en mars et qui en octobre n'est toujours pas venue, ça peut être, mais on espère être rassuré par ce monsieur qui doit être à côté de vous puisque j'entends le haut-parleur. Donc d'essayer de me le passer hors antenne si vous voulez, je vais vous passer quelqu'un et nous on continue l'émission, mais rassurez tous les auditeurs de Nîmes qui sont très nombreux à nous écouter sur la façon dont vous intervenez, parce que là c'est vrai que ça peut faire un petit peu peur. Trois dans la même rue ont donné des acomptes depuis mai et attendent. Merci madame, je vous reprends, la Charlotte vous parle, à tout de suite. EDF Entreprises propose à ses clients professionnels des offres d'électricité et de gaz naturel adaptées à leur activité. Rémi Delhomme, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant d'un salon de coiffure de Sanges à Romans-sur-Isère, où nous sommes aujourd'hui. Alors justement, vous avez souscrit à ces deux contrats. Expliquez-nous pourquoi. Vous savez, mon salon, c'est ma priorité. Quand EDF Entreprises m'a proposé ses offres d'énergie à prix garanti, j'ai vite compris que ça allait me simplifier la vie. D'accord, mais alors de quelle façon ? Eh bien, avec les contrats garantis d'EDF Entreprises, les prix sont garantis jusqu'à 3 ans, ce qui me permet d'avoir une vraie visibilité sur mon budget. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris les deux contrats, gaz naturel et électricité. Et est-ce qu'il y a des contraintes particulières ? Non, pas du tout. D'une part, je n'ai pas d'engagement de consommation avec ces contrats. Et d'autre part, les conditions sont très claires dès le départ. C'est très bien expliqué d'ailleurs sur le site d'EDF Entreprises. Et puis, vous pouvez aussi appeler le 3022 pour en discuter avec un conseiller. Et personnellement, c'est ce que j'ai fait. Très bien, merci beaucoup Rémi. Business Affaires. Service et appel gratuit. Offre de marché réservée aux clients professionnels souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kV-ampères pour l'électricité ou consommant moins de 300 MWh par an de gaz naturel. Voir caractéristiques et conditions de prise sur le site edf.fr/entreprise. L'énergie est notre avenir. Économisons-la. Charolaise. Limousine. Blonde d'Aquitaine. Aubrac. Salaire. Les viandes racées vous invitent à découvrir des plaisirs racés. Alors, monsieur Dubois, vous êtes boucher spécialisé dans la Limousine. Tout à fait. D'abord parce que c'est une race de chez nous. Et puis là, on est sur des bêtes qui sont nourries au pâturage presque toute l'année. Hein. Au final, on a une viande d'exception, quoi. C'est-à-dire ? Ah ben, un goût incomparable. Hein. C'est fondant, avec un grain très fin, des saveurs qui s'expriment. Vous êtes un défenseur du goût, en fait. C'est ça. Alors moi, c'est de la Limousine, hein, mais j'ai des collègues qui préfèrent la Salaire ou l'Aubrac. Et d'autres qui sont plus sur de la blonde d'Aquitaine ou de la Charolaise, voilà. Que des viandes racées, quoi. Et surtout, bien élevées. Bazadaise. Blanc bleu. Rouge des prés. Parthenaise. Gasconne. Les viandes racées, initiez-vous au plaisir racé. Innovation Manae. Bouffées de chaleur, sueur nocturne, problèmes articulaires? Pourquoi la ménopause devrait-elle changer les femmes? Restez vous-même avec Manae Préménopause-Ménopause. Une formule exclusive sans aucune source d'hormones, à base d'oméga-3, de vitamines et minéraux. Et pour apporter confort et bien-être articulaire, Manae s'enrichit de curcuma pour préserver les articulations. Manae, l'innovation des laboratoires NutriSanté. En pharmacie et parapharmacie. Pour plus d'infos, rendez-vous sur manae.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Feu vert sort ses griffes. Jusqu'au 27 octobre, 1 euro les plaquettes de frein Bosch et Valeo First. C'est imbattable. Offre soumise à la pause, voire conditions sur feuvert.fr. Merci d'avoir choisi la radio numéro 1, RTL. Deux cas ont été lancés, ça commence à bouger d'ailleurs. Nous aurons du nouveau juste après les infos. C'est bon pour le fillon. Il est 10h. L'information, c'est avec vous, Agnès Bonfillon, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Utiliser l'écologie pour faire ses impôts, ce n'est pas honnête. L'augmentation des taxes sur l'essence et le gasoil. Ségolène Royal, invitée de RTL ce matin, tire à boulet rouge sur le gouvernement. Sur un tout autre sujet, celle qui a également été ministre de l'Éducation estime qu'il faut deux adultes dans certaines classes. Présence renforcée pour éviter des scènes comme celle qui provoque l'indignation depuis deux jours. Ce jeune qui met en joue sa professeure avec un pistolet à billes. C'était à Créteil la semaine dernière. L'adolescent de 16 ans a été mis en examen hier soir pour violences aggravées. Il a été remis en liberté avec des mesures de contrainte en attendant d'être jugé. Justement, les professeurs sont-ils trop souvent lâchés par leur hiérarchie? C'est la question du jour et on vous la pose sur le site rtl.fr. Emmanuel Macron en route vers l'Aude pour rencontrer des sinistrés une semaine après les violentes inondations qui ont touché de nombreuses communes du département. Inondation meurtrière, hein, je vous le rappelle, 14 morts, 75 blessés. Le président de la République doit aussi déjeuner avec des secouristes. Le maire de Villegaillenc, en direct sur notre antenne dans la matinale, espère surtout qu'une fois remonté à Paris, je cite, Emmanuel Macron n'oubliera pas. Les dégâts sont considérables. La première estimation est chiffrée à 200 millions d'euros. Jean-Noël Buty attend une sanction exemplaire. En janvier 2016, sa fille Thelma ainsi qu'un autre lycéen ont été tués dans une avalanche aux Deux-Alpes. Le moniteur avait entraîné son groupe sur une piste fermée. Il est jugé aujourd'hui à Grenoble pour homicide involontaire. 67% des salles de sport présentent des anomalies. C'est une information RTL. L'enquête de la DGCCRF que nous nous sommes procurés a été menée en 2017. Les clients sont appelés à une extrême vigilance au moment de signer leur abonnement. Beaucoup de clauses abusives et de pratiques commerciales trompeuses ont été relevées. La météo, beaucoup de nuages ce lundi avec des risques d'averses très faibles. La perturbation s'étend du nord de la Loire aux Hauts-de-France et aux Ardennes. Cet après-midi, les régions proches de la Manche devraient retrouver du soleil. Les nuages, eux, se décaleront, touchant cette fois la Vendée, l'Île-de-France, le centre Val-de-Loire et le Grand Est. Autour de la Méditerranée, la grisaille devrait se dissiper au fil des heures, notamment grâce au Mistral. Les températures cet après-midi, 15 à Cherbourg, 16 à Lille, 17 à Paris, 18 à Dijon, Grenoble, Tarbes, 19 à Bourges, 21 à Bordeaux, 22 à Nîmes ou encore 23 à Nice. Les courses aujourd'hui auront lieu à Enghien. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 12, le 9, le 16, le 18, l'As, le 6, le 17, le 5. Dernière minute, le 16. 10h03 sur RTL. Je me demandais s'il ne serait pas plus court de donner ceux qui n'ont aucune chance d'arriver. Ah oui, mais là, moi, je ne m'y connais pas. Il faut dire ça à Dominique Cordier. Merci beaucoup. Vous êtes très belle. À tout à l'heure, 11h. Merci, Julien Courbet. Nous allons donc, si vous le voulez bien, maintenant, faire un point rapido info sur tout ce qui s'est passé. Oui. Vous aussi, Maître Filono, depuis 9h30. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons démarré avec cette incroyable histoire de voiture. C'est Christian, plus de 18 000 euros pour un fourgon acheté cet été et jamais livré. Et nous en sommes où, mon cher Hervé Pouchol? Le dossier envoyé à la direction juridique de Ford. On attend des réponses le plus rapidement possible. D'accord, et le plus rapidement possible, essayer de décuver que l'on puisse en savoir un peu plus sur les autres cas. Car le deuxième vient d'être lancé. On est parti dans le Vaucluse chez Marie. 5 850 euros d'acompte pour refaire sa toiture. Les travaux devaient commencer il y a 5 mois. Alors, cette dame voulait savoir quelle radio, etc. On lui a tout donné. étonné ou en est-on, s'il vous plaît, Hervé ? Alors, le responsable n'est pas présent aujourd'hui, d'accord, mais j'ai discuté avec un collaborateur du gérant qui s'appelle Édouard Chaumette. Et ce jeune homme s'appelle Jean-Baptiste. Je lui ai expliqué pourquoi on l'appelait. J'ai quand même réussi à avoir une information importante. Le cas est en cours de remboursement, c'est-à-dire qu'elle devrait recevoir un chèque d'ici un jour ou deux. Mais j'attends la confirmation du gérant. Bon, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Vous avez entendu, Marie ? Oui, oui, tout à fait. Je vous remercie. Attendons pour l'instant d'avoir le gérant et d'être sûr mercredi que vous nous repreniez au téléphone pour nous dire « ça y est, j'ai mon chèque ». Dans quelques instants, règle d'or avec Maître Felonneau, parce que maintenant, c'est vrai que ça suffit de prendre des acomptes et de ne pas venir pendant 7-8 mois. C'est tous les jours que l'on en a, donc il va falloir une vraie règle d'or. Notre chien d'aveugle, nous lançons l'opération juste après la pause et un troisième cas arrive. Bah écoutez, bonne journée sur RTL. But I'll give you everything tonight. Innovation Manae. Bouffée de chaleur, sueur nocturne, problèmes articulaires. Pourquoi la ménopause devrait-elle changer les femmes ? Restez vous-même avec Manae Préménopause-Ménopause. Une formule exclusive sans aucune source d'hormones, à base d'oméga 3, de vitamines et minéraux. Et pour apporter confort et bien-être articulaire, Manae s'enrichit de curcuma pour préserver les articulations. Manae. L'innovation des laboratoires NutriSanté. En pharmacie et parapharmacie. Pour plus d'infos, rendez-vous sur manae.fr. Pour votre santé, bougez plus. À vous qui criez cocorico devant les produits du terroir. À vous qui voyez le monde plus beau en bio. À vous qui aimez les prix vraiment imbattables. Découvrez nos 3000 produits Netto qui répondent à vos besoins au prix les plus bas du hard discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Netto vous rembourse deux fois la différence. Modalité sur netto.fr. So Cook, cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, et je l'ai quand ma cuisine. Chez So Cook, c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur socook.com. Et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est so simple. So Cook, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, ce matin, j'accueille donc maintenant Paul Charles. Paul Charles, bonjour. Vous êtes le président de la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles, avec lequel le 9h30-11h RTL lance un partenariat qui va nous permettre, dans 6 mois, d'offrir un chien pour un non-voyant. Alors ce chien, il est déjà identifié. Monsieur Charles, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Napo, Julien. Il est né le 3 novembre 2017. Il a presque un an aujourd'hui. C'est un magnifique labrador noir. Alors, il va falloir donc 6 mois de formation intense pour qu'il puisse complètement être autonome avec la personne non-voyante. Tout à fait. C'est cet animal magique. Alors, qu'est-ce que fait de son maître au quotidien ? Expliquez-nous bien, parce que moi, je suis toujours très ému. Quand je vois dans la rue ces chiens qui se mettent en travers pour pas que le maître traverse, etc., mais je vous assure, moi, ça me fend le cœur, mais au bon sens du terme. Qu'est-ce qu'il fait dans la journée, tout ce qu'il peut faire pour un non-voyant ? Alors, tout ce qu'il peut faire, déjà, c'est aussi un magnifique chien de compagnie, il faut bien pas l'oublier. Bien il sûr. Donne son amour extraordinaire. Mais ensuite, dès que son maître veut aller faire des courses, faire n'importe quoi, il lui dit, on va chez le boulanger, on va chez le boucher, on va chercher le journal, on va au métro. Et ce chien a toutes les mémorisations des trajets, il lui amène en confort et en sécurité vers les points qu'il a souhaité dans cette jungle des trottoirs aujourd'hui, Julien, vous le savez, comme bien moi, sûr. Qui sont fort embarrassés par différentes choses que des piétons. Alors, je vais vous dire honnêtement, moi j'ai voulu que l'on fasse cette opération aussi pour le chien en règle générale, parce que le chien est maltraité, chaque jour on le voit, on entend des horreurs sur des maltraitances de chiens, ouais. Alors qu'on voit là clairement que le chien est prêt à donner sa vie pour son maître. Alors, ça coûte cher une formation, et ça on s'en doute, combien ça coûte exactement ? Très cher, ça coûte 25 000 euros, si vous voulez, au minimum, pour faire son éducation. Et bien sûr, nous n'en restons pas là. Il est suivi tout le durant de sa bien vie sûr. Où il accompagne le déficient visuel. Alors, monsieur Charles, est-ce que vous vous engagez à ce que si nous arrivons à financer par une cagnotte, nous allons donner le top dans quelques instants, à ce que Napo devienne un peu la mascotte aussi de l'émission ? Est-ce que vous vous engagez à nous donner des photos pour nos auditeurs que l'on mettra sur la page Facebook, à nous donner des nouvelles aussi de son maître, que l'on puisse vivre une belle histoire tous ensemble ? Ah mais sans aucun problème Julien, vous savez je connais votre amour pour les animaux, il est le même pour nous, et je connais la générosité de vos auditeurs, surtout de tous les auditeurs d'RTL. Alors, donc nous ferons tout notre possible pour les renseigner au jour le jour comme vous le souhaitez. Ça marche, le petit Sinapo donc va être formée grâce à nous tous. La cagnotte, je la lance officiellement. Maintenant, c'est une cagnotte Litchi. Merci à nos amis de Litchi d'ailleurs. Alors, ça s'appelle « Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL ». Et je le dis, nous sommes très nombreux tous. Vous donnez 2 euros, 3 euros, 1 euro, peu importe. Certains ont déjà réussi à trouver la cagnotte et ont donné 5 euros par là, 4 euros. Ça peut être aussi complètement anonyme. Vous n'avez pas à dire ce que vous donnez. Mais si on pouvait avoir rapidement dans les jours qui viennent ces 25 000 euros, eh bien ce chien-là deviendra l'emblème de l'amour que nous avons pour les chiens. Alors, par contre, la personne non-voyante n'est pas encore identifiée. Non, vous savez que Julien, nous attendons que ce chien soit éduqué, on va dire, à trois quarts de son parcours pour trouver la personne adéquate, parce qu'un chien doit aller avec son maître, hein, pour bien sûr. Question de savoir si celui-ci ira avec un pas rapide, pas un pas rapide, et ainsi de suite. Alors, on attend des petites photos de Napo de votre part d'ores et déjà, parce que là, on a un beau profil dans l'herbe, mais on a envie de voir sa bouille. Et ça y est, la cagnotte Litchi est lancée, donc on va se parler régulièrement à partir de maintenant, monsieur Charles. Sans aucun problème, Julien. Merci à vous. Merci, monsieur Charles, président de la Fédération française des associations de chiens guides aveugles. Merci aux auditeurs surtout. Allez, c'est parti. Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL, c'est la cagnotte Litchi qui vient d'être lancée. Une alerte. Maintenant, nous revenons sur les cas. Lequel, s'il vous plaît ? Le cas de Marie. Marie ? Marie, eh bien, elle a payé 5 850 euros d'acompte pour refaire sa toiture et depuis, personne n'est venu. Qui est en ligne, Hervé Bouchard ? Édouard Chaumette, qui est le gérant de l'entreprise. Monsieur le gérant, bonjour, je suis vraiment navré de vous déranger, mais j'apprécie que vous nous parliez en toute transparence aussi rapidement. Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. C'est tout bête, Marie a donc payé 5 850 euros d'acompte pour des travaux de réfection de toiture et là, nous sommes le 22 octobre, elle n'a toujours rien. Alors, c'est ce qu'elle nous dit. Hein. Moi, je vous appelle non pas pour vous embêter, mais pour que vous me donniez votre version des faits. Pourquoi les travaux n'ont-ils toujours pas commencé ? Bon, maintenant, elle veut le remboursement, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que tout simplement, dans le sud, on a pas mal de vent, on a eu pas mal de soucis de météo, donc qui nous ont retardé surtout nos chantiers de toiture. Donc, le but, quand on commence à faire une réfection de toiture, c'est qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau chez les particuliers, ce qui est un minimum. Donc, du coup, c'est vrai qu'on a eu pas mal de retard par rapport à cette météo. Donc, Madame Blanquer nous a fait la demande du remboursement d'acompte, ce qui va être fait, comme on lui a promis. Donc, la situation va être réglée. Parce qu'elle n'avait pas trop de nouvelles, je crois. Hein. Tout à fait. C'est vrai que là, récemment, j'ai pas eu trop le temps, parce que malheureusement, voilà, il y a pas mal de vent et de soucis météo en ce moment. Donc, on essaye de régler ça le plus facilement. Vous lui envoyez le chèque cette semaine ? Ça devrait être fait cette semaine, normalement, sans souci, oui, tout à fait. Merci en tout cas, monsieur, de votre transparence et d'avoir pris le téléphone. Certains, je le dis tous les jours, se cachent. Vous ne le faites pas, ce qui prouve votre sérieux. Merci, monsieur Chaumette. Il y a pas de souci. Merci, monsieur Courbet. Donc, Marie, Rénov Global Concept va assumer. Ils ont eu des petits soucis de logistique parce qu'il y a eu des intempéries. Vous aurez votre chèque milieu de semaine. Vous me donnez un coup de fil fin de semaine ? Il n'y a pas de souci, Julien. Merci Marie, je vous fais un gros bisou. Merci à vous, la règle d'or, aussi, au revoir à toute l'équipe. Nous merci là. Beaucoup. Merci à vous au Marie revoir. Pour régler vos problèmes et pour conseiller tous les autres. La règle d'or sur RTL. La norme RGE, dont on a entendu parler, est une norme effectivement qui démontre que l'entreprise est qualifiée pour faire ses travaux de rénovation, d'isolation thermique et qui vous donne le droit à un crédit d'impôt. Donc, avant de conclure une rénovation de votre maison, vérifiez bien, c'est indiqué par un logo sur les devis qui sont les pièces que vous fournirez pour avoir le crédit d'impôt. Si jamais vous vous apercevez que cette personne n'a pas le logo ou qu'elle a utilisé alors qu'elle n'en avait pas le droit, c'est un des faits qui pourrait qualifier une escroquerie. Et donc là, on change de crèmerie, on passe au pénal. Il n'y a plus personne dans le studio. Il y a quelqu'un, RTL ? Oui. Il en reste un. Merci, maître Félonet, parce que je les voyais tous partir les uns après les autres dans la rue. Des gens avec des valises, des carrioles, des breaks avec des valises. Je dirais plus rien. Ils continueront à se faire arnaquer. Mais alors non. Qu'on essaye de les aider pour que ça mais n'arrive non. pas. Je vous l'ai voilà. dit, je vous le redis, je vous taquine car vous êtes la meilleure, vous le savez, mais c'est juste pour que vous ne preniez pas la grosse tête. Et tenez, je vais vous faire un cadeau. Le dernier Johnny Hallyday. J'en parlerai au diable. Il est sur RTL. Extrait de Mon pays, c'est l'amour. Le dernier album de Johnny Hallyday qui pulvérise tous les records de vente en aussi peu de temps. Si jamais on me dit que j'ai trahi, alors je ne bronche pas. Si jamais on me dit que j'ai menti, alors je ne relève pas. Car le jour viendra de répondre de mes actes et je ne me cacherai pas. Oui, le jour viendra de respecter le pacte et lui seulement. m'entendra. J'en parlerai au diable si l'heure vient à sonner. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai. Je l'ai sûrement cherché, que j'ai trop flirté avec les limites, je ne vais pas le nier. On sort de la piste, on reprend l'espoir, on avance plus ou moins droit. Et c'est en solice que je lui dirai mon histoire et j'assumerai mes choix. J'en parle. De m'asseoir à sa table et dire ma vérité. J'en parlerai au diable, il saura m'écouter. L'innocent, le coupable, l'homme que j'y Johnny Hallyday. J'en parlerai au diable. Il est 10h15. Dans quelques instants, rapido.info sur les deux premiers cas. Mais l'un semble bien parti. Le deuxième, on attend des nouvelles de Ford. Et puis vous allez me lancer le troisième. On va faire un retour sur Daniel. 7 260 € pour une voiture achetée en mars dernier, sans la carte grise. Et pour la cagnotte Litchi, et pour ce petit toutou qui devient notre mascotte à tous, il s'appelle Napo et va donner sa vie maintenant à bien encadrer une personne non-voyante en étant sa compagnie au quotidien, en l'emmenant chercher le pain, en l'empêchant de se faire écraser pour traverser la route. Bref, il sera entièrement dévoué. Nous en sommes à 1 000 € déjà. Oui, et si vous souhaitez faire un don mais que vous n'utilisez pas Internet, vous pouvez envoyer vos dons à l'association donc française des associations de chiens, FFAC 71 rue de Bagnolet 75 020, Paris, et spécifiez bien que c'est dans le cadre de l'opération RTL. Très bien, comme ça nous ça permet de comptabiliser. Bravo à vous tous, c'est génial. Donc dans quelques instants, un nouveau cas, je vous l'ai dit. On va se retrouver sur l'antenne d'RTL où la vie est belle. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances, vous en profitez. Les autres, le tour va arriver, mais quoi qu'il arrive, vacances, pas vacances, tous les matins, il y a cette radio qui est là à côté de vous et qui essaie de régler vos problèmes quand vous en avez. Et elle s'appelle RTL. A tout de suite. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Allô patron ? Des nouvelles de Lidl ? Ah bah toutes fraîches. Il y a des pommes, des poireaux, des salades, des carottes. C'est quoi ces salades ? Et des carottes, des melons, des choux, que des produits frais, de qualité, livrés tous les jours. Et les consommateurs ? Ouais. Eh bah ils ont élu Lidl meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Et nous patron ? Bah on est dans les choux. Oh. Lidl, élu meilleure chaîne de magasins de l'année catégorie fruits et légumes. Tout est dit et c'est vous qui le dites. Étude basée sur 359 606 évaluations de mai à juillet 2018 par Keolia. Plus d'informations sur Lidl.fr. Gilles, son expertise, c'est la plomberie. Installer une douche, un chauffe-eau solaire, pas de problème. Mais pour calculer les charges de ses salariés, leur proposer des formations adaptées ou trouver un remplaçant au pied levé, là, Gilles n'est pas contre un coup de main. Heureusement, comme tous les artisans et entrepreneurs du bâtiment adhérents, il peut compter sur la CAPEB pour le conseiller, l'aider à développer son activité. Eh oui, chacun son truc. Rejoignez la CAPEB sur capeb.fr ou au 0970 835 836, coût d'un appel local. CAPEB, vous conseiller, vous accompagner, vous défendre. Pourquoi inviter ses clients au Stade de France ? Justine Leroy, directrice commerciale d'un éditeur de logiciels. Le choix s'est imposé de lui-même. Football, rugby, concerts, le Stade de France propose des événements qui me permettent de toucher tous mes clients. Une invitation au stade, c'est l'occasion pour mes commerciaux d'accéder plus rapidement aux décideurs. C'est fondamental pour faire des affaires. Vous souhaitez développer votre chiffre d'affaires ou la notoriété de votre entreprise ? Le Stade de France a la solution adaptée à votre besoin. Retrouvez nos offres sur stadefrance.com. Stade de France, accélérateur de business. Cuisine Aviva, c'est pour ceux qui sont à l'affût des meilleures affaires et pour ceux qui savent sauter sur la bonne occasion. Du 8 octobre au 20 novembre, Cuisine Aviva vous offre jusqu'à 6 électros. Alors, n'attendez plus et venez vite chez Cuisine Aviva. Voir conditions en magasin et sur cuisine-aviva.com. Cuisine Aviva, garantie à vivre. Intermarché vous propose d'écouter des couteaux Vivo à 1 euro. Chérie, tu me passes le sel, s'il te plaît. Oui, chef. Tu peux éviter de crier comme ça. Oui, chef. Ah non, mais ça va être pénible. Chef. Cuisiner comme un grand chef. En ce moment, les couteaux de cuisine Vivo sont à 1 euro seulement en collectionnant les vignettes chez Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 23 décembre, offre réservée aux porteurs de cartes de fidélité. Modalité complète sur collectionvivo.intermarché.com. Cet hiver, partez à prix fou pendant les Folies Days TUI. Des séjours à moins de 399 euros, des séjours au ski, des séjours dans les îles. C'est seulement 5000 places à saisir jusqu'au 29 octobre, en exclusivité sur TUI.fr ou en agence TUI et Nouvelles Frontières. TUI, numéro 1 mondial du voyage. Folies Days égale folle journée. Départ du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019. Conditions sur TUI.fr. Bah, ma chérie, qu'est-ce que tu fais la tête en bas devant ton placard à chaussures? Je me prépare aux offres renversantes de Besson Chaussures. Pendant les Best Only Days, ils font jusqu'à moins 50%. Moins 50%, c'est renversant! Jusqu'au 4 novembre, selon quantité d'articles achetés, voire conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures. Sophie est artisan fleuriste. Aujourd'hui, elle a coupé 600 fleurs, livré 9 bouquets et rendu 3 femmes follement amoureuses de leur homme. Ah, j'oubliais. Sophie a aussi fait réviser son véhicule Renault en une heure. Et ça, c'est un vrai plus. Avec le réseau spécialisé Renault Pro Plus Premium, bénéficiez de services d'entretien adaptés aux pros, comme un véhicule de remplacement de même catégorie, un accueil dès 7 heures et des tarifs sur mesure. Offre et services réservés aux professionnels sur les véhicules Renault dans le réseau spécialisé Renault Pro Plus Premium. Liste des affaires et conditions sur Renault.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Passons maintenant à un nouveau cas qui est en fait un retour, car vous le savez, nous ne lâchons rien. Daniel est en ligne avec nous. Daniel, m'entendez-vous ? Oui, bonjour à vous et à votre équipe. Bonjour à vous Daniel. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, Maître Fellonneau, en êtes-vous capable, avec un français exceptionnel et une grammaire parfaite, nous rappeler pourquoi Daniel était passé la première fois sur l'antenne d'RTL? Daniel a acheté une jolie voiture à un marchand d'auto et qui ne lui a été livrée, mais sans la carte grise et sans le double des clés. Il ne peut évidemment pas l'utiliser et il cherche par tous les moyens à récupérer sa carte grise. Grâce à l'enquête de JB, nous avons trouvé sur le précédent propriétaire de la voiture, qui n'est autre que l'ancien propriétaire du local qui a permis à son employé de poursuivre l'activité. Voilà. Nous avons eu quelqu'un qui nous a dit « Je vais vous aider parce que c'est moi qui garde les cartes grises car je n'ai pas été payé. Je me fais fort de les obtenir assez rapidement. » Nous avions eu donc ce monsieur Isoard qui nous a dit « Je vais m'en occuper, laissez-moi faire. » Est-ce que vous avez du nouveau JB, s'il vous plaît, sur cette enquête? Alors, on a avancé. Figurez-vous que j'ai eu en ligne ce Steven Bastianelli, donc le gérant de Design Automobile. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il a pu trouver un arrangement avec Marc Isoard de VO9, en tout cas c'est ce qu'il nous dit, donc il pourra débloquer la carte grise. Il a aussi repris contact avec notre auditeur. Ensemble, ils ont convenu de repasser le contrôle technique demain à 17h. Et oui, car l'ancien contrôle technique réalisé juste avant la vente a déjà plus de 6 mois. Alors ce monsieur s'était engagé à nous dire tout ça à l'antenne, on n'arrive pas à le joindre. Espérons qu'il tienne bien parole par rapport à tout ça. Bon, écoutez, Daniel, ça se présente pas mal pour l'instant. Oui. Bon, ok. Pas envie de faire ton phrase, Daniel, je respecte ça. Vous me tenez vraiment au courant, Daniel, c'est un feuilleton, je veux vraiment savoir, quand vous avez votre carte grise, vous devriez l'avoir sous combien à peu près, JB? Normalement, c'est quelques jours, quelques semaines, 2-3 semaines, je pense, maximum. À partir du moment où le contrôle technique est fait, tout va aller très vite. Merci, JB. Voilà, Daniel, on voulait vous donner des nouvelles. Oui. De rien, bonne journée. Non, mais le pauvre. Daniel, merci, au revoir à vous. Mais je vous en prie, Daniel, il serait excellent au ni oui ni non. Vous savez que ça revient très à la mode, parce qu'il prend son temps avant de répondre. Il a raison. Et merci encore une fois, monsieur Isoard. Alors, au niveau de la cagnotte, on en est à 1613 euros. Il faut aller au moins à 25 000 pour pouvoir former ce petit toutou qui deviendra la mascotte de l'émission et qui va surtout aider une personne non-voyante, Napo. Mais vous avez remarqué un truc, Céline, et ça, je trouve ça génial. On a aidé un auditeur. La semaine dernière, d'ailleurs, on avait rigolé avec lui sur son nom. Oui, il s'appelle James Lee West. Alors, c'était assez rigolé de l'avoir à l'antenne avec avec nous. C'était assez rigolé. C'était assez rigolo. Ah oui, pardon. Et en fait, il a réussi à obtenir la réparation de son canapé. Donc ça, voilà, c'est super pour lui. Et il participe à la cagnotte. Donc on est vraiment ravis. Il a mis une petite somme, peu importe laquelle, mais c'est super. Encore une fois, 2 euros, 3 euros, 5 euros. Mais on montre ainsi, en devenant, pourquoi il va devenir la mascotte? Parce qu'on va en parler tout le temps et ça nous permettra de dire différemment que les chiens sont extraordinaires et qu'il faut les respecter. Et moi, quand je vois un chien comme ça qui est d'une personne non-voyante, ben je me dis, comment peut-on faire du mal à ces bêtes? Et il serait un peu l'emblème de tout ça. 1828 euros pour l'instant. Nous allons passer à l'arnaque en temps réel dans une seconde, si vous le voulez bien maintenant. Ben allons-y alors. L'arnaque en temps réel, aux quatre coins de la France, c'est dans le 9h30, 11h, sur RTL. Nos amis de la Voix du Nord nous révèlent l'incroyable histoire d'une fleuriste installée près de Valenciennes. En 2013, des démarcheurs lui avaient fait miroiter des parutions dans des répertoires professionnels pour mieux faire connaître sa boutique. Conquise, elle s'était engagée et avait payé une première somme. Elle pensait à ce moment-là à s'être acquittée de la prestation, mais une fois le délai de rétractation passé, on lui avait fait croire qu'elle n'avait réglé qu'un mois. Confrontée à son refus de payer davantage, les démarcheurs se sont fait passer pour des huissiers. Et ça, c'est nouveau, on ne l'a jamais eu. C'est-à-dire que celui qui vous arnaque, par la suite, voyant que vous ne tombez pas dans le panneau, se fait passer pour un huissier. Et ils ont fini par lui prendre 14 000 euros. La malheureuse fleuriste a porté plainte après plusieurs années d'enquête. La police a réussi à débusquer ces faux référenceurs qui étaient basés en Israël. Au total, 3000 commerçants ont été bernés dans toute la France. Préjudice global, 20 millions d'euros. Alors je vous le dis, commerçants, s'il y a des méthodes miracles pour du chiffre d'affaires, on le saurait. On aurait tous un commerce et on serait tous millionnaires. Donc le coût des répertoires, on va vous trouver des clients et tout ça. Vraiment, faites très attention. Un conseil à donner, Maître Félonon ? Oui, eh bien, déposez plainte. Parce que cette victime a mis du temps. Elle avait tellement honte. Vous savez qu'elle a même puisé dans son livret A personnel pour effectivement payer ses faux huissiers. Elle a, en déposant plainte, découvert qu'elle faisait partie de victimes d'un énorme trafic. C'est vraiment comme ça et pas autrement que vous pourrez avoir gain de cause. Alors en ce qui concerne notre cagnotte, on en est à 1828 euros sur 25 000. Alors 1900 exactement, à 1900 évidemment, c'est pas le même dressage. Je vous le dis tout de suite, la pauvre personne en voyant dira « Va chercher le pain, l'autre mur a un peu la queue, bon, bah amène-moi au métro, non plus, bon alors on va aller se promener, non ?» Bon, on va rester là. Voilà, parfait. Donc, mais ça l'aide pas beaucoup, le non-voyant. Donc, on continue. Voilà, on est presque à 2000. C'est super. Bravo. Je suis fier de vous, auditeurs d'RTL. Nous allons nous retrouver dans quelques instants, si vous le voulez bien. De quoi parlera-t-on? De Diana. Et oui, elle travaille pour une société depuis cet été. Elle n'a jamais été payée. On lui doit plus de 8000 euros quand même. C'est Diana que nous allons retrouver. C'est tous vos cas. 3210, bien sûr, pour nous joindre en direct. Facebook, la page, ça peut vous arriver. Ou RTL.fr. Voilà. Cherchez, mais vous ne trouverez pas. Il n'y a que sur RTL qu'on s'occupe aussi bien de ses auditeurs dans le 9h30-11h. À la bonne heure. Stéphane Bern sur RTL. On ira tous à Tyran Garnet. Ah non, vous êtes tous les deux les bienvenus. Ah, et nous, non. Il a un château à côté. Et oui, on reçoit nos invités en famille dans la bonne heure. Alain Souchon et son fils Ours viennent nous parler du concert des Coccinelles au Casino de Paris dans la bonne heure. Et la bonne heure, c'est 11h sur RTL. À tout à l'heure. Dites-moi, mon petit, vous savez où Akena fabrique ses vérandas? Oh non, madame Latsou. Eh bien, c'est en France, en Vendée même. Ah bon? C'est bien ça. Mais c'est exceptionnel, vous voulez dire? En plus, Akena est élu leader 2017 pour sa qualité de service par le magazine Capital. Ça vous épate, non? Je pourrais peut-être faire appel à eux. Je veux, mon neveu! Akena, c'est du sérieux. Faites-moi confiance, y a pas mieux. Akena, la reine des vérandas. Leclerc. Chérie, l'auto Leclerc fête ses 30 ans. Vite, les clés de la voiture! Quoi, là tout de suite? Avec des super promos sur des grandes marques d'équipement auto et sur les pneus, on fonce! Il y a un grand jeu avec à gagner des cartes cadeaux de 10, 20, 30 et 50 euros et une Renault Clio Trend! Et tu me dis ça comme ça? Du 23 octobre au 10 novembre, venez profiter d'offres exceptionnelles et participer au grand jeu anniversaire des centres l'auto Leclerc. Voir modalité sur www.auto.leclerc ou à l'accueil des magasins participants. L'auto Leclerc fête ses 30 ans. Allez, on est parti! C'est le moment. le moment de vous joindre aux millions de personnes qui organisent des joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Zoom vous offre une vidéo parfaite, une audio très claire et un partage instantané sur tous les appareils mobiles, les tablettes ou les appareils de bureau. Mais ce qui est le mieux avec Zoom, c'est que ça marche, tout simplement. Alors fini les distractions, joignez-vous au mouvement et à vous les joyeux meetings avec la vidéoconférence Zoom. Visitez zoom.us/fr pour créer votre compte gratuit aujourd'hui. C'est zoom.us/fr, la vidéoconférence Zoom. Chers voyageurs, notre voyage continue et... Oh, écoutez, vous entendez ? 10 Les forfaits Power ! Pour attirer leurs partenaires, ils chantent leur prix. 10 euros par mois ! Ah, j'en vois déjà qui sont séduits, hein ? Ah oui, Francis ? Chez SFR, les forfaits sont irrésistibles. Jusqu'au 19 novembre, le forfait Power 50Go 4G+, est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 25 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box, engagement 12 mois, 4G+, sous réserve de couverture avec terminal compatible. Alors, il est comment le nouveau ? Ah, que du positif. En cuisine, par exemple, il a plein d'idées recettes toutes simples, mais tellement bonnes. Et comme il est rempli d'astuces pour rester en forme, je risque pas de prendre un gramme. Mais c'est une perle ! Il a même des super bons plans voyage. Puis tu sais quoi ? Il connaît des people. T'as raison, il a tout. Tout pour moi. Et tu l'as rencontré où ? Tout pour moi ? Bah, chez mon marchand de journaux. Tout pour moi, c'est votre nouveau magazine 3 en 1. People, conseils pratiques, jeux et plein d'autres choses encore. Tout pour moi, 100 pages, 1,90€ seulement, chaque lundi chez votre marchand de journaux. Tout pour moi, c'est tout pour vous. Conforama, le confort pour tous. Encore un bon plan chez Conforama. La télé Samsung 138 cm Ultra HD est à 499€ au lieu de 699. Un grand écran à ce prix-là, c'est cadeau. Conforama, 200€ remboursés par Samsung jusqu'au 4 novembre. Conditions en magasin sur Conforama.fr. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, nous rafraîchissons maintenant notre petite cagnotte et nous en sommes à 2550€. C'est fantastique, ce petit toutou va pouvoir commencer son travail pour aider une personne non-voyante. Nous reviendrons donc sur des cas qui bloquent et des promesses qui n'ont pas été tenues. Et vous verrez que là, il y a quand même parfois des moments où on a envie de réintervenir un petit peu plus fermement. Parce que quand on nous dit « ne vous inquiétez pas, on va s'en occuper, que rien ne se passe », l'auditeur a l'impression qu'on se moque un petit peu de lui. Ça arrive juste après. Voici maintenant les Bee Gees. C'est Night Fever, vous êtes sur RTL. Bonne matinée. Préféré de notre rédacteur en chef Alain Hazard, qui adore les Bee Gees et qui adore surtout les paroles de cette chanson. 1-0, c'est ce qu'on a pris hier. Quand on a joué contre l'OM. Et oui, car il supporte Nice aussi. Nous allons donc maintenant revenir sur un cas qui était bloqué, Céline. C'est Diana. Elle travaille pour une société depuis cet été. Elle n'a jamais été payée. On lui doit 8 950 euros. Vous connaissez bien ce cas, mon petit Hervé Pouchol, car vous aviez beaucoup aidé cette dame. Donc on va essayer de récapituler maintenant son cas. Diana, qui travaillait en freelance depuis le 25 juin pour une agence de communication. Et c'est vrai qu'on ne l'a jamais payée. Alors il y a eu des promesses qui avaient été faites. On lui devait quand même 8 950 euros à Diana, c'est ça Hervé ? On avait réveillé le témoin en ligne qui était un petit peu endormi, mais elle nous avait fait des promesses. Bon, alors c'est Madame Ornella Yinda. Alors je continue à lui demander de bien vouloir nous expliquer ce qui se passe. Elle nous avait dit je vais en parler à mon avocat et elle a entièrement raison. Toujours, en toutes circonstances, prendre un avocat qui devait avancer sur ce dossier, ma petite Charlotte. Oui, on devait être contacté par ce conseil. Malheureusement, pas de nouvelles. J'ai quand même laissé un message à cette dame Ornella Yinda vendredi et elle ne m'a pas rappelé. Voilà, donc nous la relançons et nous continuerons parce qu'il faut qu'elle nous explique. Peut-être que l'on dit des bêtises. Si elle ne nous parle pas, nous ne pourrons pas le savoir. On veut juste essayer de comprendre, Maître Fellonneau, pourquoi le travail effectué pour la période du 25 juin au 31 août, 7 420 euros, le paiement du travail effectué en septembre, 1 527 euros, soit 8 950, n'a pas été payé par la société Gossipers, G-O-2-S-I-P-E-R-Z, Ornella Yinda, qui est basé à Londres, eh oui, One Lock Road. Et d'ailleurs, si son avocat, et elle le préfère, veut intervenir sur l'antenne d'RTL, il sera prioritaire, bien sûr. Oui, parce qu'effectivement, dans cette affaire, tous les documents ont été transmis à cette société par le biais donc de cette dame qui s'appelle Ornella. Et je rappelle quand même qu'il y a des échanges, non seulement sur le travail et la réalité, mais surtout Ornella dit à Diana, lors de notre conversation, je t'ai dit que le virement se ferait entre le 10 et le 15. Je ne t'ai jamais dit qu'il serait reçu entre le 10 et le 15. Donc visiblement, il y a peut-être un petit problème de financement. On espère qu'elle pourra le régler parce que sinon, il faudra saisir le tribunal. Mais avec une société basée à Londres, ça complique évidemment. Mais on continue à interpeller, on continuera jusqu'à fin juin à demander à Madame Ornella Yinda qu'elle parle directement à Diana, car Diana est peut-être en ligne avec nous. J'appelle Diana parce que comme Madame Yinda habite à Londres, Diana, avez-vous eu des nouvelles de Madame Yinda ? Absolument aucune. Voilà, donc on attend ce que Mme Yinda appelle directement, si elle le veut, Diana, puisqu'elle a payé, elle a travaillé et elle ne l'a pas payé. Je vous tiens au courant, Diana. Super, merci. Merci beaucoup. Alors, on va faire un rapido point info, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, sans règle d'or, mais pour savoir sur quel cas nous devons relancer maintenant. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Tout a commencé par Christian et son entreprise de distribution automatique de boissons. Il a acheté une voiture. 18 000 euros et il n'a jamais été livré de son fourgon. Alors, on a appelé tout le monde, mais là, on est remonté jusqu'au siège, je crois, de Ford, Hervé Pouchol. Oui, directement, la direction juridique de Ford, que je viens à voir il y a quelques minutes, sont en train de travailler sur le dossier. On n'aura peut-être pas du nouveau aujourd'hui, mais sans doute demain. Merci, Hervé. Marie a versé un acompte de 5 850 euros, Céline. Ça, c'était pour sa toiture. Les travaux devaient commencer en mai et depuis, pas de nouvelles. Eh bien, si, nous en avons eu grâce à Hervé Pouchol qui nous a passé le gérant. Oui, monsieur Chaumette s'est engagé à rembourser l'acompte de 5 850 euros. Très bien. En ce qui concerne maintenant les cas, les suivants, vous les avez eus il y a quelques instants, puisque vous avez vu que Diana, nous n'avons pas de nouvelles, elle qui travaille en freelance. Par contre, on va trouver une solution pour Daniel qui a acheté un véhicule en mars dernier. Il avait réglé 7 260 euros, il n'avait pas la carte grise. C'est en train de se mettre en place, JB nous l'a dit. Nous allons avancer maintenant avec le cas de Yann. Est-ce que Yann est en ligne avec nous sur l'antenne d'RTL ? Yann, m'entendez-vous ? Yann. Oui, je vous entends, Charline. Bonjour, Julien. Je suis ton père. Yann, rappelez-nous, et rappelons à tout le monde, que vous avez commandé des balles de golf, jouez au golf sur un site internet. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire, rien qui mérite une émission de radio. Sauf que, quand le colis arrive, et qu'il ouvre le colis, à la place des balles de golf, qu'avez-vous trouvé, Yann ? Des croquettes pour chiens. Que l'on pourrait donner, oui, d'ailleurs, voilà, à notre petit toutou. Notre petit toutou qui va devenir Napo, chien d'aveugle. On en est à 3190 euros. Alors, nous avions eu un monsieur Cuny, qui était le gérant du club des balles. Il s'est engagé à rembourser et lui-même à se retourner contre le constructeur qui s'était trompé. Le transporteur, pardon. Qu'est-ce que j'ai encore ? Le transporteur, oui. Réécoutez ce qu'il avait dit. Ce que je vous propose, c'est que je vais rembourser le client. D'accord. D'accord. En attendant de solutionner la problématique, Monsieur Quesero devrait recevoir ses balles. Et après, à la réception des balles, il y aura deux possibilités pour le client. Soit il nous refait un chèque s'il souhaite garder les balles, soit il nous renvoie la marchandise et puis voilà. Alors Céline, où en est-on s'il vous plaît ? Alors des échanges de mails ont eu lieu entre M. Cuny, le gérant de l'entreprise clubdesbales.fr et notre auditeur Yann. Il s'est engagé à lui rembourser bien la somme de 351 euros, mais depuis, pas de nouvelles. Alors, pas rien, rien du tout Yann ? Yann, non, aucune nouvelle. Même pas un coup de fil ? Ah bah alors on va rappeler dans une seconde. Même, c'est pas, un même pas un coup de fil. Bah, c'est un petit peu, vous savez, comme un garçon qui a un flirt l'été et après trois mois d'absence, dis donc, même pas un coup de fil, rien. Alors, oui. Oui, quand j'avais eu cet entrepreneur, ce vendeur au téléphone, il m'avait dit, écoutez, moi je fais ça en plus de mon job. Bah oui, visiblement, il externalise tout parce que même ses factures sont nulles, mais nulles de droit. Et il avait l'air complètement dépassé par les événements. C'est ce que je répète à longueur de journée. Derrière une devanture, on ne peut pas cacher. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous ne pouvez pas monter un faux décathlon. Alors, il vous faut énormément d'argent. Voilà, vous voyez cette grande devanture, un faux Renault, un faux... Mais un site internet, aujourd'hui, n'importe quel crétin, et je parle pour moi, peut vous montrer un site internet de vente de ce que vous voulez. C'est très facile à faire. Et derrière, en fait, bah, c'est une petite activité que je fais comme ça pour m'amuser. Je me lance dans la livraison, etc. Mais après, ça ne suit pas. Donc, nous allons appeler dans une seconde Hervé Pouchol. Vous qui avez joué une seule fois dans votre vie au golf, c'est vous qui allez rappeler dans une seconde, ok ? Oui, mais j'ai joué deux fois. C'est vrai. Et d'ailleurs, l'une des deux personnes est encore en vie, entre la vie et la mort. Celle qui a pris la balle dans la... A tout de suite sur RTL. À partir de 50 ans, les problèmes de prostate touchent plus d'un homme sur deux, ce qui peut engendrer une baisse de leur qualité de vie. Pourtant, il existe des solutions. Parlons-en avec le docteur Mimoun. Pierre, vous avez 52 ans et vous souffrez de troubles urinaires. Quelles sont les conséquences dans votre quotidien ? Ben, je suis obligé de me lever plusieurs fois dans la nuit et le manque de sommeil se fait sentir au fil de la journée. Les troubles urinaires masculins ne sont pas une fatalité. Pour empêcher les envies nocturnes, commencez par limiter les boissons après 19h. Si ces conseils ne suffisent pas, sachez qu'il existe des solutions. Prostamol est un complément alimentaire à base d'extraits naturels de sérénoir et pince qui contribue au maintien d'une fonction urinaire normale chez l'homme de plus de 45 ans. Prostamol, c'est une capsule par jour à prendre idéalement pendant 3 mois. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour. RTL. On a tellement de choses à se dire. Conforama, le confort pour tous. Encore un bon plan chez Conforama. La télé Samsung 138 cm Ultra HD est à 499 euros au lieu de 699. Un grand écran à ce prix-là, c'est cadeau. Conforama, 200 euros remboursés par Samsung jusqu'au 4 novembre. Conditions en magasin sur conforama.fr. Dis donc, sympa ta nouvelle voiture. Oh, attends, c'est rien à côté de ma nouvelle assurance. Ah tiens, justement, c'est elle. Bonjour, je suis votre appli Direct Assurance. Je vous confirme que votre nouvelle voiture est désormais assurée chez nous. Et vous venez d'économiser 245 euros pour les mêmes garanties qu'ailleurs. Eh, hey, c'est ton appli banque qui va être contente. En souscrivant chez Direct Assurance, 9 nouveaux clients sur 10 déclarent bénéficier du meilleur rapport qualité-prix. Alors rendez-vous sur directassurance.fr. Direct Assurance, on gagne toujours à être direct. Voir détails sur le site. Professeur David Kayat, spécialiste du cancer. Un homme sur deux, une femme sur trois sont touchés par le cancer en France. Certes, mais heureusement, une vraie révolution anti-cancer est en marche. Toute la question est, pourquoi certaines personnes développent un cancer et d'autres pas ? C'est tout le sujet de mon livre, L'Enquête Vérité. Le cancer est un serial killer. Et pour la première fois, je vous dis pourquoi et comment mieux vous en protéger. Les clés sont entre nos mains. L'Enquête Vérité, le nouveau best-seller du professeur Kayat. Un livre Albin Michel. Vous êtes votre meilleur anti-cancer. À vous qui criez cocorico devant les produits du terroir. À vous qui voyez le monde plus beau en bio. À vous qui aimez les prix vraiment imbattables. Découvrez nos 3000 produits Netto qui répondent à vos besoins au prix les plus bas du hard discount. Netto, le discounter qui fait la différence. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Netto vous rembourse deux fois la différence. Modalité sur netto.fr. Bonjour, c'est Philippe Etchebest. Pour la première fois depuis la création d'Objectif Top Chef, j'ai décidé de me lancer un défi. Trouver la perle rare qui, en intégrant les futures cuisines de Top Chef, rejoindra directement ma brigade. Rien que ça. Alors autant vous dire que je serai plus exigeant que jamais. Objectif Top Chef revient pour une nouvelle saison du lundi au vendredi à 18h40 sur M6. Pourquoi tu allumes une bougie, papy ? Une première bougie va s'éteindre, mais avec elle, une autre bougie va s'allumer. Quand la deuxième bougie s'éteindra, une troisième scintillera encore. Et ainsi la lumière ne s'éteindra jamais, comme l'Église, qui n'a jamais cessé de briller. Pour que jamais nos valeurs ne s'éteignent, je crois en l'Église, je lègue à l'Église. Rendez-vous sur jecroisjeleg.catholique.fr ou appelez dès maintenant le 01 76 23 10 10. 01 76 23 10 10. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Allez, c'est parti, Charlotte, vous faites le numéro. Céline, vous nous rappelez pourquoi Yann est de nouveau sur l'antenne d'RTL. Il a commandé des balles de golf et il a reçu des croquettes. Eh bien oui, des croquettes pour chien. Donc on l'a appelé, il nous a dit oui, c'est pas moi, c'est le transporteur. On lui a dit oui, mais c'est pas le problème du client. Il a commandé sur votre site clubdesbales.fr. Donc à vous de vous débrouiller avec le transporteur. C'est quand même pas incroyable qu'il ne puisse rien faire pour lui. Il a dit bon, ben je vais rembourser, puis je verrai avec le transporteur. Mais malheureusement, rien n'est venu. Mais c'est pas. Allô, oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil, je suis vraiment navré de vous déranger une nouvelle fois. Je suis toujours avec Yann qui nous dit qu'il n'a pas récupéré sa commande de balles de golf. C'est normal, je lui ai envoyé un chèque courant de semaine dernière pour le rembourser. D'accord. Ah, d'accord, vous l'avez envoyé le chèque ? Oui, bien sûr, c'est envoyé... Parce qu'il n'a rien reçu. Ben, ça a dû partir vendredi au courrier. Bon, eh ben c'est super, monsieur, il était juste inquiet, voilà. Il pensait que... Bon, mais c'est parfait, donc il va le recevoir dans les jours qui viennent. On va pas s'appeler tous les 5 jours pour savoir où ça en est. Pour une commande à 350 euros... Mais ça, monsieur, le fait que c'est 350 euros, 500 euros, 10 euros, le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il a fait confiance à clubdesbales.fr, monsieur, non, plus, qu'il a toujours pas ses balles. Donc, essayez au moins d'être sympa avec le client, monsieur. Non, il n'y a pas de problème. Il y a pas de souci avec ça, mais par contre... Même si je vais jusqu'au bout des choses, parce que j'ai éclairci avec ça avec le transporteur, oui. J'ai aucune garantie que le client n'ait pas monté une arnaque. Parce que aujourd'hui. Il y a deux étiquettes sur le même paquet. On va aller au bout des choses. Ben, on va aller au bout des choses, monsieur. Ben, vous voulez. Ben, alors, allons au bout des choses. Sur les paquets, quand clubdesbales.fr envoie des paquets, il y a deux étiquettes dessus, monsieur. Si vous allez au bout des choses, pourquoi vous mettez un double étiquetage ? Il n'y a pas de double étiquetage. Mais si, il avait deux étiquettes, monsieur. Moi, j'ai la photo. Si vous voulez que je la mette en ligne, que tout le monde la voit. Il me l'a envoyé, le client. Bon, alors, vous avez bien vu qu'il y a deux étiquettes. Le chèque envoyé, on va pas... Voilà. Non, mais si vous voulez, on peut aller au bout des choses. Hein. Je veux bien aller au bout des choses. Je suis là pour ça. Oui. Bon. On a d'autres choses aussi à régler. Donc mais ça, c'est votre problème, monsieur. Mais votre client, lui, voilà, de clubdesbales.fr, il n'a toujours pas le chèque. Donc, on se dit que je vous appelle mercredi pour savoir s'il a reçu. Ben, si vous voulez, en tout cas, bravo pour l'accueil, ça m'a donné envie d'acheter des balles chez vous. Bonne journée. Je vous souhaite une bonne journée. Voilà, vous allez sur clubdesbales.fr le jour où vous avez envie de vous en prendre un peu plein la gueule. Tiens, je suis de bonne humeur, j'ai envie de. Allô ? Mais c'est quand même dingue cette histoire. On l'appelle gentiment pour lui demander où ça en est. Bon, ben alors vous m'appelez mercredi, mon cher Yann. D'accord ? Oui, bien sûr. Ouais, bon, si monsieur Cuny veut nous rappeler, il sera prioritaire, il a le droit de m'insulter s'il veut, c'est pas le problème. Oui. Peux avoir madame Collonge en ligne deux secondes ? Madame Collonge. Oui. Ah, Céline, c'est moi. Je viens de découvrir son nom grâce à vous, monsieur. Ça fait un an qu'elle travaille avec moi, je ne savais pas qu'elle s'appelait Collonge. Moi, je l'appelle Céline. Alors attention, hein. Elle vous a peut-être promis quelque chose. Vous pouvez aussi vous retrouver, parce que moi, elle nous a tous fait le coup. Je vous le dis franchement, je me suis retrouvé avec des croquettes pour chien également. Et c'était pas ce qu'elle m'avait promis au départ. Bon, ok. Je vous la passe. Moi, je suis spécialisé d'arnaque quand je commande des balles. Ah oui, très bien. Qui c'est qui parlait, là? Ben, c'était Yann. C'était Yann. Ah, d'accord. Je ne sais plus qui fait quoi. Bon, alors, veuillez parler à ce monsieur. Je vais lui parler en antenne, peut-être. Sur le ton qu'il emploie, je préfère que ça soit en antenne. Ça marche. Merci beaucoup. On va se retrouver dans quelques instants sur l'antenne d'RTL. Il y aura, bien sûr, le point info sur tous les cas. Où en est-on avec notre petit toutou? Nous en sommes à 3837 pour 25 000. Écoutez, c'est bien, vous continuez. 2 euros, 3 euros. Certains demandent comment. C'est une cagnotte Litchi. Vous devez aller sur le site de Litchi, Leetchi, grand spécialiste en France de la cagnotte. Et vous allez chercher la cagnotte, offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL. Ce petit toutou va devenir, Napo, faut que je me fasse à son nom, la mascotte de l'émission. On aura plein de photos de lui, on va le voir grandir, évoluer. Le président de l'association nous l'a promis. Allez, mesdames et messieurs, j'ai envie d'aller accepter l'invitation de Louise. Attaque ! Magnifique. J'ai accepté par erreur ton invitation, j'ai dû gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Si j'ai confondu avec celle qui sourit pas, mais celle qui est belle, bien entendu. Et qui dit belle dit pour moi, tu sais, j'ai pas toute ma raison. Si j'ai toujours raison, tu sais, je suis pas un mec sympa. Et je merde tout ça, tu sais, j'ai pas confiance. J'ai pas confiance en moi, tu sais, j'ai pas d'espérance. Et je merde tout ça. veux, on parle de toi. Si tu veux, on parle de moi. Parlons de ta future vengeance que t'auras toi sur moi. Disons entrecoupé de silence qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. T'iras pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû me gourer dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Savoir si on trace un trait, un point dans notre espace. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Tu sais, j'ai pas toute ma raison. Tu sais, j'ai toujours raison. Je sais pas s'il a toute sa raison ou s'il a toujours raison, mais en tout cas, il... j'ai toujours. Il a eu un bon coup. Louise Attaque, ton invitation sur RTL. On aura du nouveau sur Ford, peut-être, mon cher Hervé Pouchol. Qu'est-ce qui s'est passé avec Ford d'ailleurs, Céline? Eh bien, c'était notre ami Christian qui a commandé un véhicule pour plus de 18 000 euros et il ne l'a jamais reçu. Eh bien, nous allons faire un point info complet avec Maître Felonneau, le Festival des règles d'or après ceci sur RTL. Philippe, client Netatmo. Me laisser surprendre par un coup de froid? Impossible. Grâce au thermostat intelligent Netatmo, je choisis quand je chauffe et j'allège ma facture. J'adapte la température en fonction de mon rythme de vie. Je suis là, il fait bon dans la maison, je pars travailler, je passe en mode économie. Des invités surprises? Je gère. Je peux contrôler mon chauffage à distance depuis mon smartphone. Comme Philippe, choisissez Netatmo, des solutions de chauffage intelligente pour allier confort et économie. En ce moment, jusqu'à 50 euros remboursés sur nos solutions de chauffage intelligente. Conditions sur netatmo.com. Netatmo, votre maison plus intelligente, tout simplement. Bonne journée sur RTL. SoCook, cuisine équipée. Un premier rendez-vous, un deuxième, un troisième, et je l'ai quand ma cuisine? Chez SoCook, c'est simple. En un clic, je choisis mon jour et mon heure sur SoCook.com. Et hop, en magasin, j'ai tout en un rendez-vous. Mon plan, mes vues 3D et mon devis détaillé. Et ça, c'est so simple. SoCook, cuisine équipée. Plus de 130 magasins en France. Leclerc. Maman, viens voir. Ah, les Playmobil. Dis donc, ce rayon-là, tu l'aimes. J'adore. Regarde là, c'est le commissariat de police Playmobil. Avec trois personnages, la salle de contrôle, les cellules et même mon héliport. Ah ouais, quand même. C'est top ça pour Noël. Du 23 octobre au 8 décembre chez Leclerc, le commissariat de police Playmobil est à 59,90€. Avec en plus, 10€ en ticket Leclerc. Disponible en ligne et en magasin, voire modalité et magasin participant sur www.culture.leclerc. Allez, maman, c'est bien un commissariat. Oui, bah tu verras ça avec le Père Noël. Bah, ma chérie, qu'est-ce que tu fais la tête en bas devant ton placard à chaussures? Je me prépare aux offres renversantes de Besson Chaussures. Pendant les Best Only Days, ils font jusqu'à moins 50%. Moins 50%, c'est renversant! Jusqu'au 4 novembre, selon quantité d'articles achetés, voire conditions et magasins participants sur besson-chaussures.com. Besson Chaussures. Mais oui, je gratte. Dans mon lit, sous la douche, au bureau, dans le bus. J'adore ça. Je la gratte comme une folle. Ma carte Grattofolie. Ça vous démange aussi? Mais allez-y. Grattez. Grattofolie. En tout, 270 000 euros de cadeaux à gagner. J'adore ça. Première carte Grattofolie, aujourd'hui. Dans Ouest France, Presse Océan, Le Maine Libre et Le Courrier de l'Ouest. Grattez. Voir détails et conditions sur jeu-ouest.fr. Non, je suis très content d'être à la retraite. Ça me fait juste bizarre de me dire qu'un jour, il va falloir que je laisse cette maison. Mais pourquoi tu dis ça? Bah, parce que c'est la vie. Le contrat SMA de Prévoir, tu connais pas? Solution maintien autonomie. Tu fais venir un conseiller Prévoir chez toi gratuitement. Vous trouvez ensemble les solutions adaptées à tes besoins. Et après, chez toi, tu kiffes la life. Je quoi? Bah, tu profites de la vie. Et c'est mon petit-fils qui m'a appris ça. Ah. Prévoir, c'est plus de 20 ans d'expertise dans l'assurance perte d'autonomie. Rester autonome, c'est Prévoir. Tous les renseignements sur prévoir.com. Et mercredi, PSG Naples, ça va être fou. Enfin, vu les attaquants napolitains, on va être sur du bouillaka. T'oublies la défense parisienne. Non, plutôt blaze bla. Mais en fait, ça va être un match choc. Tout à fait, voilà, un match choc, nous sommes d'accord. Préparez-vous pour le choc PSG Naples, mercredi, à 21h, en exclusivité sur la chaîne RMC Sport. Abonnez-vous à partir de 9€ par mois, sans engagement. Appelez le 1055, service et appel gratuit. Offre soumise à condition, 9€ par mois pour les abonnés mobiles et box de SFR jusqu'au 19 novembre ou 19€ par mois en abonnement digital. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Et Dieu sait qu'il s'en est passé des choses. Ce matin, depuis 9h30, nous avons démarré avec Christian. Plus de 18 000 € pour un fourgon acheté cet été et le véhicule serait reparti chez le constructeur. Alors qu'il a payé en intégralité, après avoir appelé tout le monde, nous avons eu le siège. Où en est-on, Hervé Pouchol ? Un message de dernière minute de la direction du service après-vente de chez Ford. Nous suivons ce dossier avec attention car la concession concernée ne semble pas avoir finalisé la livraison comme prévu. S'agissant d'un établissement en redressement judiciaire, nous devons trouver une alternative concernant la livraison de ce véhicule le plus rapidement possible, vraisemblablement via une autre concession Ford à proximité. Le centre de relations clientèle va contacter le client avec une solution au plus tard ce mercredi. Je vois Maître Fellono fumante. Coup de gueule. Tout de suite sur RTL, un coup de gueule. Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ce qui m'intrigue énormément dans cette réponse, c'est que le véhicule était à disposition, il ne manquait plus que l'immatriculation, il était payé, et que c'est bien plus tard que Ford a repris ce véhicule, alors que visiblement, elle savait qu'il était payé. Enfin, si elle le savait... Mais là, il faut vraiment que Ford, demain, nous explique si quand on rentre dans une concession Ford et qu'on paie un véhicule qui peut venir le rechercher alors qu'on l'a payé et qu'on ne l'aura plus, il faut qu'on soit au courant. Donc, attendons demain qu'ils nous en disent un petit peu plus, mais nous revenons sur ce cas Ford demain. Oui, ça fait un peu peur. Deuxième cas que nous avons traité, c'est celui de... D'ailleurs, avait-il le conseil très rapidement, c'est qu'on n'avait pas donc dû lui remettre sa carte grise. Mais justement, il était en cours d'immatriculation. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il a laissé le fourgon qu'il l'a payé, puisqu'il l'a vu. Et c'est ça que je trouve absolument incroyable dans cette affaire. Et absolument anormal. De la part du constructeur aussi. Quand vous dites il l'a vu, vous parlez de ma carte grise. C'est pas une blague. D'accord. Deuxième cas, c'est celui de Marie. Elle a payé 5 000 € d'acompte pour refaire sa toiture. Les travaux devaient commencer en mai. Où en est-on, s'il vous plaît, sur ce cas-là ? Nous avons eu Hervé Pouchol, le responsable de la société, qui nous a dit qu'il envoyait le chèque de remboursement pour la toiture. Oui, remboursement de l'acompte de 5 850 €. Règle d'or. La règle d'or sur RTL. Vous devez absolument faire stipuler le délai de réalisation des travaux ou de livraison. Si ce délai n'est pas respecté, vous devez faire une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, et bien de respecter le contrat et en précisant que, à défaut, vous serez dans l'obligation d'annuler la commande ou le marché. Rappelez-vous ce que nous avait dit Daniel sur l'antenne d'RTL. Je vous appelle de Meurthe-et-Moselle. J'ai acheté un véhicule à un professionnel en mars 2018. Je l'ai payé 7 260 €. J'ai réglé des frais de carte grise à ce vendeur. 7 mois après, je n'ai toujours pas la carte grise et le double des clés. JB, vous avez pu enquêter. Nous avions eu celui qui avait vendu la voiture au professionnel mais qui n'avait pas donné les cartes grises car lui-même n'avait pas été payé. On est en train de trouver une solution. Un arrangement est en train d'être trouvé. Il va falloir passer faire le contrôle technique demain pour que tout se règle. Et Diana, qui travaille en freelance, je l'appelle Diana mais c'est Diana, hein, depuis le 25 juin pour une agence de communication, elle n'a jamais été payée. Nous avons encore une fois essayé d'avoir la responsable. On lui promet un paiement rapide qui n'a toujours pas eu lieu. On en est à 8 950 €. Nous allons également vous dire qu'au niveau du petit chien, ça se passe plutôt pas mal puisque nous avons décidé de faire en sorte que Napo devienne un chien de non-voyant. Vous en êtes à 4 818 € sur la cagnotte Litchi sur 25 000. Il deviendra la mascotte de l'émission et sera le symbole que les chiens doivent être aimés car ils donnent leur vie pour nous. Donc allez-y, continuez. 2 €, 3 €, c'est les moyennes que l'on voit. On en est à presque 5 000 pour 25 000, on y revient demain. Vous dire également, bien sûr, que je vous donne rendez-vous à Deauville. Venez à Deauville le 10 novembre, au casino, on va se marrer, c'est le one-man show, grand écran, patati, pam, poum, rire, tout le monde s'amuse. 10 novembre à Deauville, avec RTL, le 17 novembre, on est à Troyes, et le 1er décembre, au casino d'Enghien-les-Bains. A tout de suite sur RTL. Allô ? Alors là, je ne suis pas du tout le genre de perruche qui fait des caprices. Mais il faut reconnaître que depuis que la maison est isolée avec de la laine de verre Isovert, tout le monde profite d'une isolation phonique incomparable. Je peux enfin chanter du soir au matin, sans prise de bec avec les voisins. Découvrez le bien-être d'une maison bien isolée, performante, écologique et durable. Choisissez la laine de verre Isovert et bénéficiez des aides financières pour votre projet de rénovation. On est bien avec Isovert, expert français de l'isolation. Isovert, une marque du groupe Saint-Gobain. Elton John, Farewell, Yellow Brick Road Tour. La tournée d'adieu. Le 18 juin 2019 à Lille, le 22 juin à Bordeaux et le 20 juin à l'Accor Hôtel Arena de Paris. Concert complet, date supplémentaire, le 10 octobre 2020. Réservation, point de vente habituel. Ne manquez pas l'ultime tournée d'Elton John. Un événement RTL et France 2. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Maman a rendez-vous chez le médecin cet après-midi. Et ? Et j'ai noté l'heure sur un papier. Et tu l'as perdu. Ben voilà, c'est ça. Toi et tes petits bouts de papier, j'arrête pas d'en ramasser. La prochaine fois, note ces rendez-vous sur le site mylandmeilleursante.fr. Leur calendrier en ligne est super pratique. mylandmeilleursante.fr, tu dis ? C'est ça. Ouais, je vais le noter sur un papier. Avec mylandmeilleursante.fr, profitez de nombreux services en ligne pour vous aider à suivre la santé de vos proches au quotidien. Myland. Myland. Une meilleure santé. Pour un monde meilleur. On en parle. Le prélèvement à la source dès janvier va-t-il s'adapter aux indépendants dont les revenus fluctuent ? Réponse avec Marie-André de la mission Prélèvement à la source dans un instant. Eh bien, nous terminons la cagnotte à 4878 pour aujourd'hui. On continue demain. Allez sur Litchi et vous choisissez la cagnotte. Offrez un chien guide à un non-voyant avec RTL, la nouvelle mascotte, le petit Napo qu'il me tarde vraiment, vraiment de rencontrer. On a une bonne nouvelle à vous donner. Allez, on la donne rapidement. C'est Jacques qui est passé le 7 septembre. Mon locataire m'a fait un chèque de 1650 € pour payer son loyer. Son compte a bien été débité, mais moi, je n'ai rien reçu. Et pour cause, quelqu'un m'a volé ce chèque. Depuis, impossible de récupérer l'argent. Jacques, on avait appelé tout le monde. Vous êtes en ligne. Avez-vous récupéré vos 1650 €, Jacques ? Bonjour, Julien. Oui, avez-vous récupéré vos 1650 €, Jacques ? J'ai tout récupéré, tout va bien. Je suis super content. Je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, mon Jacques. Et merci à tous ceux qui nous ont aidés. Mais je vous en prie, mon Jacques. Ouais. Alors, Stéphane, vous êtes en ligne ? Absolument. Je suis plus qu'en ligne. Je suis dans le studio. Génial. Je suis avec le public et surtout Alain Souchon et Ours. Super. Et on va parler du concert des Coccinelles. D'accord. C'est une bonne cause, c'est samedi 3 novembre. Voilà. Samedi on va chanter pour la bonne cause. Eh bien, on va déjà écouter et on chantera ensuite. Merci, mon Stéphane. Merci.